إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Aïwa l'Ikhwa, j'aimerais saisir en cette occasion, suite à l'humble demande de mes frères parmi les Afadil, Hafizahumullah, de la ville de Champigny ou d'ailleurs, de parler autour d'un hadith qui est clair en lui-même, mais dont souvent nous faisons preuve d'inattention pour ceux qui le connaissent, mais dont toute la réalité nous est apparue lors des événements que vous avez connus, yani vous savez que nous avons vécu à Demmedj, ou nos frères dans les Jabahat, dans les fronts, comme à Kitef, ou Hachid, ou ailleurs, lors de ce djihad d'Afa, de défense, face aux ennemis de l'islam, la pire des sectes égarées se disant de l'islam, car en réalité, ils n'en font pas partie. Je veux dire par là les Rafidah, qatalahumullah, appelés les Houthis au Yémen. Donc ce hadith serait tout d'abord pour moi, en guise de rappel, en premier lieu, mais également pour tout croyant sincère, recherchant l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le hadith concerné est celui qui est muttafaqun alayhi selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Hujjibatul jannah bil makarih wa hujjibatin naru bi shahawat. Wa fi riwaya an Anas radiallahu anhu an al-Bukhari: Juffat al jannah bil makarih wa juffat an nar bi shahawat. Dont la traduction serait à peu près que le paradis a été recouvert de choses détestables et déplaisantes, et que le feu, l'enfer, a été recouvert par les plaisirs et les choses attirantes. Les deux versions, yani en français, reviendraient à la même traduction. Il n'y a pas trop de différence. Et dans le hadith, Hujjibat an-nar bi shahawat, que le feu a été recouvert par les shahawat. Tout d'abord, savoir le sens du mot shahawat, ici dans le hadith. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit dans le Fath al-Bari, en charge de ce hadith, il dit, yani pour Shahawat, ma yustaladhu bihi min umuri dunya, mima mana ash-shal'u min ta'atihi, imma bi asarati, wa imma liyakuna fi'luhu yastalzimu tark shay'in min al-ma'murat, wa yalhaqu bi dhalika al-shubuhat, afwan, al-shubuhat, wa al-iksaru mima ubiha khashiyatan an yakawa fil-muharram. C'est-à-dire, les Shahawat ici, c'est une chose de laquelle on tire plaisir, jouissance parmi les choses de ce bas monde, qui ont été proscrites par la législation, yani la religion, dont il n'est pas permis de s'y adonner, interdit soit depuis sa base, c'est-à-dire interdit en soi, ou soit du fait qu'il en découlerait le délaissement des obligations. Et également les shubuhat sont incluses dans ce jugement, tout comme l'excès dans les choses permises par crainte de tomber dans le haram. Voyez, l'excès des choses permises par crainte de tomber dans le haram. Un exemple d'une chose interdite en soi, rentrant dans cette définition. Al-zina, mathalan. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, wa la takrobu zina. Et n'approchez pas de la fornication. Cela fait partie des shahawat, car on en tire plaisir, et cela est proscrit en soi par la législation. Il n'est pas permis de s'y adonner. Un autre exemple d'une chose qui amènerait à délaisser une obligation, comme par exemple, al-naum, car le fait de dormir à l'heure des salats obligatoires, c'est une chose qui amène à délaisser les obligations. Et bien sûr, là, je fais allusion à quoi ? À celui qui dort volontairement, pas à celui qui était malade ou celui qui s'endormit malgré lui. Celui qui dort volontairement à l'heure des salawat, cela le pousse à délaisser quoi ? Une obligation. Et en ce qui concerne l'excès d'une chose permise par crainte de tomber dans le haram, cela va être cité, inshallah, dans la parole de Cheikh Othaymin, rahimahullah, qui va venir dans le charh de ce hadith, dans le mot shahawat. Il dit, en parlant des shahawat, هي ما يميل إليه النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاة للدين ولا مراعاة للمروة. C'est-à-dire, les shahawat sont ceux pour quoi penche l'âme de façon déraisonnée, sans clairvoyance, ne prenant pas en considération les valeurs religieuses ni les valeurs humaines. Telles sont les paroles du Cheikh Al-Saymin, rahimallah. Et il cita également en exemple Ezzina, comme nous l'avons dit auparavant, ou le fait de boire de l'alcool, ou l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent rentre exactement dans la parole d'Al-Hafiz, lorsqu'il a dit Al-Iksaru mimma ubiha khashiyatan an yaqa'a fil muharram. L'excès d'une chose qui est permise à la base par peur de tomber dans ce qui est muharram. Car l'amour de l'argent en soi est toute chose permise, tant que cela ne mène pas à tomber dans l'illicite, dans le haram. Et malheureusement, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fitnat ummati al-mal, que la fitna de ma communauté c'est l'argent. Ensuite, dans la parole, dans le hadith, hujibat al-jannatu bil makarih, que le jannah, le paradis a été recouvert par les choses déplaisantes et détestables. Ma ma'na al-makarih, que veut dire makarih ici? Makarih, déjà c'est le jam de makruh, qui est un mot connu auprès de beaucoup d'entre vous, qui veut dire détestable. Al-Hafiz, rahimallah, il dit toujours dans Fath al-Bari, il dit, en parlant des al-makarih, ma umira al-mukallaf bi mujahadati nafsihi fihi fi'lan aw tarkan kal itiyanu bil ibadati ala wajhiha wal muhafazati alayha wa utlika alayha al-makarih li mashaqqatiha ala al-aamil wa su'ubatiha alayhi wa min jumlatiha as-sabr ala al-musiba wa al-taslim li amri Allah fiha. C'est-à-dire, yani al-makarih, c'est ce qui a été ordonné au mukallaf. Le mukallaf, c'est qui? C'est le aqil al-barir, celui qui a toute sa raison et qui est majeur. Parmi les fils d'Adam, alayhi salam, et les djinns, celui sur qui la religion est imposée. Donc, c'est ce qui a été ordonné au mukallaf dans le fait de forcer son âme à accomplir ou à délaisser, c'est-à-dire comme action, et de faire des actes d'adoration, tels qu'il lui a été demandé et ordonné, qu'il accomplisse les ibadat, tels que cela lui a été ordonné, et d'y être constant, et d'éviter les choses proscrites en actes ou paroles. Ça, c'est les makarih. Et elles ont été nommées makarih, chose déplaisante, pour la difficulté qu'elles font endurer au mukallaf. Et parmi ces makarih, on peut compter également la patience face aux calamités. Quand une épreuve te touche, on sait que c'est dur. Et le sabr, alayhi sabr, sabr jiddan. Et également, la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala dans son décret. Ça, c'est la traduction à peu près de la parole d'Al-Hafiz. Pourquoi, mes frères? Car il est connu que les actes d'adoration, al-ibadat, demandent des efforts sur soi-même, de se surpasser, d'aller de l'avant. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Là, le shahid, wastabir, sois constant, c'est-à-dire persévère et patiente sur son adoration. Wa yakulullah tabaraka wa ta'ala wa mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Wastabir alayha. Et commande à ta famille d'accomplir la salat et fais-la avec persévérance, hein, et patience. Wa yakulullah subhanahu wa ta'ala وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et rechercher de l'aide dans la patience et la salat, car cette la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. يَقُولُ اللَّهُ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La salat, c'est-à-dire la إِنَّهَا, le domir, il revient à qui? À la salat, est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Les adorations, mes frères, demandent une lutte contre soi-même. Un exemple, après une longue nuit en hiver, sous la couverture, vient l'heure du fajr. Il faut se lever dans le froid pour faire le wudu, les ablutions. Et pour certains, comme c'était le cas pour nous à Demej, il n'y a pas d'eau chaude courante du moins. Donc il fallait faire l'eau froide. Pour ensuite se rendre au masjid pour faire salat et jama'a. Car salat et jama'a, wajib ne wajibat. Il ne fait aucun doute que cela demande une lutte contre soi-même, qu'il faut combattre son nefs. De là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Abu Huraira radiyallahu anhu, comme cela a été rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, Ala dullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إزباع الوضوء على المكاريه، يعني إزباع الوضوء على المكاريه. Quand il a dit, ne vous interrogez pas ce par quoi Allah efface les fautes et élève en degré. Ils dirent, c'est-à-dire les Sahaba, radiallahu anhum, si au messager d'Allah. Il répondit, un accomplissement complet des ablutions en conditions difficiles. En conditions difficiles. Al-al-makarih. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit auparavant, lors des jours froids par exemple, en absence d'eau chaude ou autre. Tant que bien sûr cela n'amène pas à des nuisances physiques. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita d'autres choses pour élever en degré. Mais ça c'est shahid. Hein? Isba' al-wudu' al-makarih. Et dans ce hadith, qui est le thème de base de notre rencontre ce soir, Hujjibat al-jannatu bil-makarih wa hujjibat al-nar bil-shahawat, que le paradis était recouvert par les choses déplaisantes et que le feu était recouvert par les plaisirs et les choses attirantes, ce hadith est lui-même expliqué par un autre hadith, tout aussi sublime et effrayant également. C'est celui qui a été rapporté par l'imam Ahmed wa al-Tirmidhi rahimahumullah, selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انظُرْ إِلَيْهَا وَلِمَا أَعْدَتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قال فجاءها فنظر إليها ولما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه فقال وبعزتك لا يسمع بها أحد إلى دخلها فأمر بها فجفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعدت لها ولأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد جفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها ولما أعدت لأهلها فيها فإذا يتركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فجفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلى دخلها. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé le paradis et le feu, il envoya Jibril alayhi salam au paradis et lui dit « Regarde ce que j'y ai préparé pour ses habitants. » Il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi salam, il s'y rendit, yani Jibril alayhi salam, et le contempla, c'est-à-dire le paradis, et tout ce qui s'y trouvait pour ses habitants. Il retourna vers Allah tabaraka wa ta'ala et dit « Par ta puissance, nul n'en entendra parler sans qu'il n'y rentre, c'est-à-dire le paradis. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonna qu'il soit recouvert par les choses déplaisantes. Al-makarih. Hein, que le paradis soit recouvert par les makarih. Et il dit à Jibril, retourne-y et regarde ce que j'ai préparé pour ces gens. Il y retourna donc et le voilà soudainement recouvert de choses déplaisantes. Al-makarih. Il se retourna auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dit, par ta puissance, j'ai eu certes peur que personne n'y rentre. Allah lui dit donc, va voir le feu et regarde ce que j'ai préparé pour ces gens. Il s'y rendit et le trouva soudainement, ou du moins, il vit soudainement ses parties, c'est-à-dire les parties du feu, qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Il retourna auprès d'Allah et lui dit, par ta puissance, quiconque en entendra parler n'y rentrera pas, yani dans le feu. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonna qu'ils soient recouverts par les plaisirs, yani shahawat, bishahawat. Et il dit à Jibril, retourne-y. Il retourna et dit, par ta puissance, je crains que personne n'y échappe et qu'il n'y entre. C'est-à-dire tous ceux qui verront le feu, du moins ce qui est autour du feu comme Shahawat, qu'ils n'y échapperont pas et qu'ils y entreront. Yes, subhanallah. Regardez ce que Jibril alayhi salam a lui-même ressenti à la vue du paradis avant et après qu'il ne soit recouvert. Et de même pour l'enfer. Hujjibat al-jannatu bil-makarih, hujjibat al-nar bil-shahawat. Le paradis a été recouvert par des choses détestables et le feu a été recouvert par les choses, par les plaisirs et les choses plaisantes. Chose, mes frères, qui nous démontre que l'entrée au paradis a un prix et des efforts à fournir. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi les épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru dire à quand le secours d'Allah? Mata nasrullah. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis sans que Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Tamyiz, une distinction. Et comme l'a cité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon Abdullah Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu, rapporté par al-Bukhari rahimahullah ta'ala, lorsque les sahaba vinrent se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam face aux atteintes qu'ils subissaient de la part des mouchtikines, il leur dit: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجَلُ فِيهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُدْعُو عَلَى رَأْسِهِ فَيُجَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَتُ بِأَمْشَةِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِظَمِهِ أَوْ عِظَامِهِ مَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Qu'il y avait parmi ceux avant vous un homme à qui ou pour qui on creusait un trou dans le sol, on l'y plaçait, puis on venait avec une scie qu'on plaçait au milieu de sa tête et on coupait en deux. Sa tête, on la sciait en deux. Et on lui griffait la tête avec des peignes de fer entre sa peau, c'est-à-dire sa chair, et son crâne, sans que cela ne le fasse abandonner sa religion. Épreuve, pourquoi? Pour entrer au paradis. Hujjibat al-jannah bil-makariyah. Et cela juste, mes frères, en guise d'exemple, car ces histoires sont connues auprès de vous. Ces histoires sont très connues auprès de vous. Le paradis a un prix, et les épreuves pour y parvenir sont inévitables. كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît mieux ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Épreuve. Pour rentrer où? Au paradis. Hujjibat al-jannah bil-makariyah. Et ces épreuves peuvent être de différentes catégories et dans différents domaines. Dans tout ce qui tient à cœur à l'homme. Dans tout ce qui tient à cœur à l'homme. Pourquoi? Car c'est là qu'apparaissent sa sincérité et son degré de patience. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-jou' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens et de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux croyants. Dans sa rahma, Allah, il nous éprouve par quoi? Par un peu de peur et non pas toute la peur. Un peu de faim et non pas toute la faim. Et ainsi de suite, comme il dit dans son verset. Et de là, il est certain que la pauvreté, elle nous fait tous peur. Là-dessus, il n'y a pas photo. Et nous répulse. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith selon Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit « Yadkhulu al-fuqara al-jannata qabla al-aghniya'i bi khamsi amiyati 'am » Bi khams miyat 'am, rapporté par Tirmidhi. Que les pauvres rentreront au paradis avant les riches de 5000 ans, si je ne me trompe pas. « Wa yakul sallallahu alayhi wa sallam an ibn Abbas et talartu fil jannah » فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَى. Que j'ai une vue sur le paradis et j'ai vu que la plupart de ces gens étaient les pauvres. هذا حديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم selon Usama ibn Zayd رضي الله عنه قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. Que je me suis tenu aux portes du paradis et que j'ai vu que la globalité des gens qui y rentraient étaient les pauvres. Les pauvres, mes frères. Hadith muttafaqun alayhi. Hujjibat al-jannatu bil-makarih wa hujjibat an-nar bi-shahawat. Le paradis était recouvert par les choses détestables, alors que le feu était recouvert par les choses plaisantes. La pauvreté a des mérites. Bien qu'elle nous fasse peur, elle a beaucoup de mérites. Également, comme dans le verset, Al-Jou'a. La faim nous effraie également. Malgré cela, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui dont Allah tabaraka wa ta'ala dit de lui dans son livre, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous aviez certes dans le message d'Allah un bon exemple, un bon modèle. Et il est resté près de deux mois d'affilée sans qu'un feu de cuisson ne soit allumé dans sa maison. Et lorsque Ummul Mu'minin Aïcha radhiyallahu anha fut interrogée de quoi vivait-elle avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit al aswadani at-tamru wal ma, c'est-à-dire les deux noirs qui sont les dattes et l'eau. Hada hadith muttafaqun alayhi kadhalik. Et Abu Hurayra radhiyallahu anhu, il dit خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. Que le message d'Allah a quitté ce bas monde sans avoir été rassasié de pain d'orge, c'est-à-dire un pain bien complet. هذا حديث يعني رواه البخاري كذلك. Également mes frères, la maladie, les soucis, les douleurs, tout cela nous font peur. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, ma yusibu al-muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta al-shouka yushakuha, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Que le musulman n'est atteint ni de fatigue, ni de maladie, ni de soucis, ni de tristesse, ni de tracas et d'affliction, de dommages, ne serait-ce qu'une piqûre d'épine, hein, ne serait-ce qu'une piqûre d'épine, sans que Allah ne lui efface par cela ses mauvaises actions. وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا كُنَّا يَا إِخْوَةَ حُجِّبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُجِّبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. Que le paradis a été recouvert par les choses détestables et le feu par les choses plaisantes. Tous ces mots, pour qui patiente et endure, ont une bonne fin. وَالْحَمْدُلِلَّهِ. Et toujours, lorsque le verset cite la perte des proches également, mes frères, cela également nous effraie tous. Hatta al-kafir, même le kafir, cela lui fait peur et n'apprécie pas cela. Et malgré tout, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, yaqulu Allah ta'ala ma li'abdi al-mu'min 'indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasaba ila al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Qu'Allah Ta'ala il dit, mon serviteur croyant n'a d'autre récompense auprès de moi si je lui prends l'âme d'un de ses proches en ce bas monde et qu'il patiente en recherchant la récompense, si ce n'est quoi? Le paradis. Rapporté par le Bukhari. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Mais pourtant, cela amène à quoi? À des makariyah. Hein? À des makariyah. Car le paradis était recouvert par des makariyah. Tout ceci en guise de quoi? De bonne annonce pour qui ferait face à ces difficultés par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a recouvert son paradis. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man yuridillahu bi khayra yusib minhu, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Wa yaqulu yubtala al-mu'minu ala qadri dinihi, que le croyant est éprouvé en mesure de sa religion, c'est-à-dire son niveau de foi et sa fermeté. Le paradis était recouvert par bon nombre de choses repoussantes pour l'âme de l'homme. Et tout cela pourquoi? Pour qu'il ne puisse en profiter pleinement par la suite après sa mort. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit « Ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatul kafir » que la dunya, ce bas monde, est la prison du croyant et le paradis du kafir, du mécréant. Hadith rapporté par Abu Hurayra selon Muslim, par l'imam Muslim. Ce hadith lui-même mérite un charh kamil, une explication entière et indépendante. Cependant, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala dit en charh dans ce hadith, dans le sens en traduction, que chaque croyant est privé et démuni comme un détenu dans ce bas monde de toutes les shahawat interdites et détestables, et qu'il lui est imposé d'accomplir les actes d'adoration et d'obéissance qui lui sont assez pénibles à surmonter, mais qu'après sa mort, il se reposera de tout cela et retrouvera tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé comme délice éternel, du repos continu, sans aucune diminution, c'est-à-dire de choses complètes, alors que le kafir, le mécréant, lui, n'obtient qu'une part infime de cela en ce bas monde, sans compter les tracas et les soucis, et qu'après sa mort, il subira un châtiment éternel et un malheur incessant. Wali'azu billah. Telle est la parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et nous apparaît clairement, mes frères, que nous n'avons pas été créés sans but, errants, livrés à nos propres désirs. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu an yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Et l'imam As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit en tafsir de ce verset, ay mu'attalan la yu'maru wa la yunha wa la yuthabu wa la yu'aqab. Hadha hisabun batilun wa dhunnu billahi bighayri ma yaliku bihikmatihi. C'est-à-dire que si l'homme pense cela, qu'il a été créé pour errer sans but, inactif, sans recevoir d'ordre et d'interdiction, qu'il ne recevra ni récompense ni punition, et il s'agit là d'une pensée vaine et fausse, et une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, ne convenant pas à sa sagesse. Telles sont les paroles de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Il est certain, mes frères, que l'on aura des comptes à rendre, des obligations à remplir, des épreuves à surmonter, et autres, pour obtenir quoi? Ce paradis dans lequel Allah a préparé ce que nul œil n'a vu et nul oreille n'a entendu. Cependant, Hudjibat al-Jannah bil makarih. Cependant, le paradis était recouvert de quoi? De choses déplaisantes. Et de l'autre côté, Hudjibat al-Nar bil shahawat. Que le feu a été recouvert de quoi? De choses plaisantes et des plaisirs. Tout ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a recouvert l'enfer comme plaisir. Choses attirantes comme la liberté d'action, d'après eux, la tombée dans les péchés, les turpitudes, le laisser aller, choses qui étaient à la porte de tous. Tout le monde peut faire cela, c'est facile de cesser aller, de mentir, de faire zina, de boire l'alcool. Tout le monde peut le faire. Cela ne demande aucun effort. Et voilà l'une des principales causes faisant que les gens de l'enfer seront les plus nombreux. Les gens de l'enfer seront les plus nombreux. Ils sont ceux qui ont les plus mauvaises caractéristiques sur terre. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, quand il a dit, Irtajat naru wal jannah, faqalat hadihi yadkhuluni al jabbarun wal mutakabbirun, wa qalat hadihi yadkhuluni al du'afa'u wal masakin, rawu muslim. Que le feu et le paradis eurent un débat. Que le feu dit, ne me rentreront que les grands oppresseurs et les orgueilleux. Alors que le paradis dit, ce ne seront que les faibles et les pauvres qui me pénétreront. C'est un hadith rapporté par qui? Par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et on voit clairement, mes frères, que les choses qui sont réellement profitables peuvent laisser apparaître en premier lieu un effet repoussant, un goût amer. Les choses bonnes, profitables pour le croyant dans sa religion, en apparence, peuvent paraître repoussantes en première vue. Quand un kafir, un mécréant, est attiré par l'islam, ou qu'un pervers, yani un fasik, asi, veut se ranger sur le stikama, la voie droite. Il voit la chose trop dure à surmonter, voire impossible à accomplir. Pourquoi? Trop d'interdictions, trop d'obligations. Alors qu'en réalité, s'il s'engage réellement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera le tawfiq et lui facilitera, comme il dit lui-même. Et cela est parmi les ruses de Shaitan. يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Que Shaitan vous fait craindre l'indigence, c'est-à-dire la pauvreté, et vous commande quoi? Les actions honteuses, tandis que Allah vous promet quoi? Un pardon et une faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. ويقول الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Certes, vos efforts divergent. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare et dépense ou du moins se dispense de l'adoration d'Allah, et traite de mensonges la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie au plus grand des malheurs, la plus grande des difficultés. Et ses richesses ne lui serviront à rien quand il sera jeté au feu. Donc voyez, mes frères, celui qui veut se lancer sincèrement pour Allah, qui ne voit pas ces choses-là comme des obstacles, qui disent, ça j'arriverai pas, ça c'est trop dur, ça, je suis accroché, je ne pourrais pas lâcher. Non, si tu es sincère, tu fais doa, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est yaftah alik. Allah, il va t'ouvrir les portes. Combien d'entre nous, avant leur islam ou l'istikama, faisaient des choses énormes, des énormités. Et malgré cela, avec le temps, avec la persévérance, et surtout, min tawfiq illah, comme le kulli shay, par le succès accordé par Allah en première chose, alhamdoulillah, beaucoup de choses ont été arrêtées avec facilité. Walhamdoulillah. Il en est de même, mes frères, pour le suivi de la vérité. Ittiba al-haq, lors des fitaines et des divergences. Cette vérité, elle peut être recouverte par des choses déplaisantes à l'individu, n'allant pas dans le sens qui l'arrange. Ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettrait devant lui pour éprouver son ikhlas, sa sincérité, s'il veut vraiment rechercher la vérité. Et le faux, lui, contrairement à cela, serait recouvert par ce qui, yani, ce par quoi il aurait un penchant, du moins ce pourquoi il aurait un penchant, des passions, ou ce qui lui faciliterait à obtenir des biens, ou une notoriété auprès des gens, ou d'obtenir un grand nombre de suiveurs. Lihada, huddibat al-jannah bil-makarih, ou huddibat al-nar bil-shahawat. Que le paradis a été recouvert par des choses détestables et déplaisantes, alors que le feu a été recouvert par quoi? Par les shahawat, les choses plaisantes et attirantes, les plaisirs. Ce hadith est très large. Il ouvre des portes sur de nombreux domaines. Il peut être résumé également par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَّا مَنْ تَرَى وَصَلَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura outrepassé les limites ou aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. وَلِعَذُ بِاللَّهِ. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, le paradis sera quoi? Son refuge. Celui qui se laisse aller aux plaisirs qui ont recouvert l'enfer, quel sera son refuge? Cet enfer. Quant à celui qui aura lutté contre les épreuves par lesquelles le paradis aura été recouvert, quel sera son refuge? Ce même paradis. Walhamdulillah. Donc mes frères, il nous incombe de rester fermes sur notre religion et notre manhaj, à prendre garde aux concessions en religion. Pourquoi? En vue d'obtention des biens de ce bas monde. Pourquoi? Pour se plier aux désirs des ennemis de l'islam ou aux ennemis de cette dawa al-mubaraka. Vous voyez? Pas de mudahana, pas de concession. Al-thabat, al-thabat, al-islam, amam al-kufr. La fermeté sur l'islam face au kufr, à la mécréance. Al-thabat, al-thabat, al-tawhid, amam al-shirk. La fermeté, voyez, sur le tawhid, le monothéisme, l'unicité, devant le shirk, face au shirk. Al-thabat, al-thabat, al-sunnati, amam al-bid'ah. La fermeté sur la sunnah, devant quoi? La bid'ah, l'innovation. Al-thabat, al-thabat, al-istiqamati wa ta'ah, amam al-fisq wa al-ma'siya. La fermeté sur l'istiqama et sur l'obéissance, devant quoi? La perversité et la ma'siya. Donc de là, je m'arrêterai du fait que cette muhadara, à la base, était prévue pour les jours où nous étions encore à Demej. Nasallallah an yu'aida lana khayran minha. Et nasallallah an yanfa bima kultu wa lisama al-muslimin. Fasallallahu ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.